Ma façon de mixer, crunk metal et hard tech. Fais pète le fait de se gagner, on étale notre tête. Joe Star, quelques dalles, je l'écoute et je récale. Lord Co, n'est qu'une tapiole. Quand j'entends sa voix, je rigole. Tous dopés au trocal, le silogène. Tous au pélopium, qu'une s'imprègne. Tous dopés au trocal, le silogène. Tous au pélopium, qu'une s'imprègne. On est des fans de race, on se met la race. On est pas fin et sans classe, personne n'est bien né que sa race. La France, un pays romantique, c'est l'art tech, pas la trans qui met la trique. Des frontières permanentes, super bon fric. Elles disent que je suis leur meilleur coup depuis 10 ans. Pourtant, j'arrive à la pays en rustre. Enchaîné plusieurs nuits blanches, je me suis pas lavé les pieds des lustres. Sur ta tombe, tombe le lustre, vas-y. Fais français des lolo, continue à mater les gosses. Beau, je reste dans mon coin avec mon stick et mon bouquin. Tu viendras me voir quand t'auras les crocs. J'avance le soir au hasard, j'aime mes spots de 3000 watts qui se voient que dans le noir. Je taxe des camels et tire sur les bédos. Je m'en prends le ta couleur de caramel et ton glow glow glow. Pas besoin d'être à jet set pour faire la fête, une bonne de jet 27 et on perd la tête. Mort et mort de rire devant le beat de Timberlake. Cette bouffonne n'attire que les fashion qui se prennent pour des mecs. Besoin de drogue cultivée pour donner un soirée, alors je veux voir. Dors, mon combat contre les droïdes, ma vie sous acide et weed. Autant pas que ton rythme est tellement horrible. Explicite de verre, je t'explique nos mères. Écolo, mon cul, les bouteilles cassées sur les pavillons, n'est pas de cul. Et ma tout de fuck exposée à la saisie, tronche écrasée sur le parquet, on n'est pas prêt de cesser. Nourri au top budget, conditions précaires, tenu grâce au LSD. Y'a aussi les solidarités, c'est fort. Les potes en faux plan, tu dors dehors, tu laisses seul face au froid et à la mort. Sois ma tête, que ce soit énorme, tout on. Invite mes potes, on déconne, on devient des petites bouffonnes. Salut, moi c'est Megan. Moi c'est Monster Truck, tu veux que je te dépanne? Concours de remix inédit, on sélectionne toujours les samples d'Arzy. On est loin de Trophy Show, on déchire la fusion le hall, on se déchire la gaule. Comme des hippies, hippies, hippies, pop, hippies, hurra. C'est dans le hall, la hola, on le pourra même si nos os sont pourris. Un humain normal, si tu es prostitué pour le fric, alors qu'on pourrait juste avoir la trick. Cyberpunk, transcrit Matrix. Bienvenue en Tasmanie, l'extase et la baisse hardcore créent notre manie. Bientôt loger chez Dédé et Bobby. Aucun de vos trop comme nous ne serons père ou mari. Et nos petits frères fuient de les poches, des mamies. On bouffe de la chatte, des fashion et des champis. Notre race est trop trarée pour pouvoir engendrer. L'héritage déjà tout dépensé. Je rentre à 6h du mat, complètement bourré. Course poursuite dans les champs Ardèche, pays des babas cool. Tu flippes, on s'en bat les couilles. On commence notre nuit de folie au lit, on a fini dans les nids de poules. C'est l'ocre de la forêt, il vient te dévorer. C'est l'ocre de la forêt, tu ferais mieux d'aller te coucher. C'est l'ocre de la forêt, il est très très très perché. C'est l'ocre de la forêt.